Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107FM. Et ce soir, on va parler d'art, on va parler de musique, vu que j'ai ce soir à l'antenne avec moi un artiste, un musicien qui sort bientôt son nouvel album le 27 avril, son nouvel album intitulé « Nos Dimanches ». J'ai l'honneur d'être à l'antenne avec Yvan Marc. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Alors Yvan, tu es musicien et depuis un moment, il me semble, vu que ton album Nos Dimanches, c'est ton sixième. C'est même mon septième, tu vois. Ah oui. Eh oui. Mais eh attends, oui. Comment ça? Parce que dans le communiqué de presse, c'est marqué 6. Ah ouais, mais ils savent pas tout, je leur dis pas tout. Ah. Non, j'ai eu un premier album qui est sorti en 2003 et qui s'appelait La Cuisine. Oui. Qui était un autoproduit, et c'est un peu, ça a été mon premier album de référence, puisque c'est à partir de là que j'ai commencé à faire les choses un peu plus sérieusement, voilà, donc là c'est mon septième qui va sortir, ouais. Ton septième bébé, ouais. Vu que voilà, la musique, ça fait un moment que t'es dedans, tu peux peut-être nous dire depuis quand tu fais de la musique? Bon, j'ai commencé, oui, ça fait très très longtemps, j'ai commencé quand j'avais 14 ans à écrire des chansons. On avait un petit studio à côté de dans le village où j'habitais. Et puis du coup, avec des copains, ben au lieu de faire de la mobilette, ben, on faisait de la musique, on écrivait des chansons. Donc ça a commencé, ça a commencé il y a plus de 30 ans. Voilà. Donc, mais ça m'a pas lâché avec des moments, avec des hauts et des bas, et puis ça fait. On va dire que ça fait une quinzaine d'années que je fais ça un peu plus sérieusement, avec un peu plus de, ben, professionnellement, quoi. Où j'en ai fait mon métier. Et ça fait combien de temps que tu en fais ton métier? Ça fait 15 ans. Ouais, je fête mes 15 ans, là, cette année, de 15 ans de chansons, sous le nom d'Yvan Marc, parce que j'ai eu beaucoup de groupes. Oui. Et j'ai commencé vraiment, à 15 ans, c'était en 2003, avec ce premier album, La Cuisine, justement. Et voilà, donc j'ai commencé, moi j'ai eu la chance, on a eu la chance d'être dans un petit village de la Loire qui s'appelait Cotelolme, mais on était une bande de copains, et c'est vrai qu'on a commencé par faire de la musique, et puis il y a un groupe qui a bien marché, un groupe qui s'appelle Mickey 3D, et c'est vrai qu'il a un peu ouvert la voie à d'autres et donné l'envie à d'autres chanteurs, d'autres groupes de faire ça de manière plus sérieuse. Donc c'est un peu Mickey, ils ont sorti leur titre Respire en 2003 je crois, et c'est vrai que moi j'ai commencé grâce à eux aussi à me dire que j'avais envie de faire ça un peu plus sérieusement, et notamment grâce au batteur de l'époque qui est Jojo qui m'a aidé à réaliser ce premier album La Cuisine. Et puis ensuite, les Mickey m'ont amené avec eux dans leur première partie, et c'est parti comme ça, voilà, du coup. Et tu as dit partie de différents groupes. Ces groupes, c'était quoi comme genre essentiellement? C'était du rock, enfin chanson rock, quoi. Je faisais essentiellement mes compos, déjà, et bon, au début, quand j'étais ado, on travaillait avec des synthés, des Yamaha, des DX7, donc on était des copains. Il y avait notamment un très bon copain à moi qui s'appelle Pascal Collomb, et avec qui je faisais des chansons. Et ce Pascal Collomb, ben, je l'ai retrouvé pour le dernier album, puisque lui, il en a fait son métier. Donc il est musicien, arrangeur, compositeur, et il travaille, bon, il a été notamment bassiste avec Vanessa Paradis sur une tournée, il travaille avec Françoise Hardy, puis avec plein d'autres artistes, et voilà, du coup, il y avait vraiment une fibre musicale dans ce village. Et bon, voilà, c'était des groupes d'adolescents. Alors, jusqu'à 20 ans, moi, j'étais dans mon petit village avec ben, notamment Pascal et Mickey, il y avait aussi. Et on faisait tous de la musique. Et à un moment, on est parti à droite, à gauche, hein, pour des raisons professionnelles. Et puis on se retrouve de temps en temps. Mais moi, j'ai toujours fait des groupes, mais j'ai toujours fait mes chansons. C'était l'objectif, un peu. C'est pour ça que je faisais de la musique. Oui, tu as toujours écrit les paroles et composé tes chansons toi-même, c'est ça? Ouais, très souvent. Quand j'ai commencé, je faisais plus les paroles, mais après, très vite, je me suis mis à faire de la musique quand j'ai commencé par le piano, et je composais avec le piano. Puis à l'âge de 20 ans, quand j'étais pion dans un lycée, je me suis mis à faire de la guitare. Et du coup, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et c'est là que j'ai commencé à composer beaucoup et à faire beaucoup de concerts et on en débarre. À l'époque, c'était vraiment en amateur. Mais voilà. Voilà l'histoire, un peu la genèse. Ça a commencé très très tôt. Et tu m'as dit que tu composes essentiellement à partir de quel instrument de musique ? Là, maintenant, je compose qu'avec la guitare. Donc je pars souvent d'une idée de texte, alors soit une phrase, soit deux, trois phrases, et puis j'essaye de trouver assez vite une mélodie, et ensuite la mélodie me permet de faire une chanson complète, d'avancer comme ça, voilà. Mais il me faut toujours du texte avant, j'ai besoin du texte, j'ai du mal à composer. Enfin, je fais jamais la musique en premier et ensuite le texte. Il faut vraiment que j'ai une idée de texte ou une phrase ou l'envie de parler de quelque chose. Et du coup, ça vient ensuite. Ensuite, je trouve vite de la musique, une mélodie qui me permet de peaufiner mon texte, d'avancer sur l'écriture. Comme tu as dit, hein, tu composes après avoir écrit le texte, vu que c'est le texte qui t'inspire. Est-ce que tu as un style musical particulier? Parce que je me souviens un petit peu de ton album À bout de bras qui va plus dans les rocks. Ton nouvel album est quand même beaucoup plus fleuri, plus printanier. C'est ton style qui évolue ou c'est un style plutôt éclectique que tu as? Non, c'est mon style qui évolue. J'ai commencé par faire mon premier album, La Cuisine, était assez très chanson, dans un format assez chanson, bricolage. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers quelque chose d'un peu plus pop-rock. Et notamment avec l'aboutissement avec À bout de bras, qui était vraiment un album que je voulais très très rock. Et maintenant, petit à petit, je reviens à des choses un peu plus posées. Un peu plus calme. Mes albums précédents étaient peut-être un peu plus revendicatifs, pardon. Et là, je reviens à des choses un peu plus sur des ballades, sur de la chanson. Moi, je suis très chanson française, en fait, et c'est vrai que ouais, j'ai envie de travailler dans ce style. Donc c'est de la chanson folk, on va dire. Mais c'est vrai que le prochain album, là, il sera vraiment très ouais, dans un registre un peu plus calme, un peu plus chanson, ballade. Des ballades, c'est un choix. Ouais, des ballades qui donnent envie de danser, j'imagine. Parfois. Et à ce propos, danser, c'est le premier titre que je vais faire découvrir à nos auditeurs de ton album Nos Dimanches, hein, qui sort à la fin de ce mois. Donc on s'écoute le morceau Danser et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Alors, s'annoncent les tempêtes, il n'est pas l'heure de tourner la tête. Alors que s'annonce le blizzard, il n'est pas de bon ton d'avancer. Osons nos idéaux, laissons de côté nos drapeaux, laissons les oiseaux nous guider. Balayons nos réflexes idiots et laissons la poésie, les mots nous faire danser. Gâchons pas l'aventure, restons les pieds sûrs, que la terre soit douce, nous rassure. Viens, ne gâchons pas l'aventure, restons les pieds sûrs, que la terre nous protège des hommes. Il y a, c'est sûr, devant quelque chose de doux qui attend. Il y a, c'est sûr, devant quelque chose de précieux qui attend. C'était le morceau dansé de l'album Nos Dimanches d'Yvan Marc, qui est toujours avec nous à l'antenne sur Radio Guémozo 107 FM. Vous pouvez réagir à l'émission, non pas par téléphone cette fois, mais en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook Radio Guémozo. Ça fera toujours plaisir. En attendant, Yvan Marc, j'aimerais peut-être que tu m'expliques un petit peu l'histoire qu'il y a derrière cette chanson, s'il y en a une. Alors l'histoire de cette chanson, je me rappelle plus du tout. Voilà, il y a des chansons où je me rappelle très bien comment je les ai composées, mais celle-là, je pense, c'était plus. J'ai souvenir du refrain en fait. J'ai souvenir d'un refrain où j'avais envie d'un truc assez dansant, assez rythmé, et j'avais ce mot danser, et voilà. Donc je suis parti de là et ensuite j'ai construit un texte qui est peut-être une mise en garde sur les problèmes. Bon, là c'est un peu plus lié à l'environnement, donc c'est une thématique qui revient souvent dans cet album. La problématique liée à l'environnement, à la nature ou à la difficulté qu'on a à sauvegarder notre patrimoine naturel. Voilà, et voilà, c'est un peu une chanson qui parle de voilà qu'on regarde un peu ailleurs et qu'on fait pas attention, mais qu'on peut toujours peut-être faire la fête, mais en faisant peut-être un peu attention à ce qu'on fait, quoi. Voilà. Oui. C'est un peu ça la thématique générale, on va dire. Il faut avoir conscience de ce qu'on est en train de faire, quoi. Et peut-être faire quelque chose. Oui, parce que tes chansons véhiculent bien entendu des messages, j'imagine, ou du moins veulent retranscrire une ambiance. On en a parlé un petit peu, hein. C'est un thème très nature, très. Je trouve un peu de nostalgie aussi. Je ne sais pas ce que t'en dis. Oui, il y a un peu peut-être de nostalgie. Il y a beaucoup de, il y a des références à l'enfance aussi. Peut-être avec le château, qui est une chanson qui parle aussi d'un village et aussi de la désertification ou des problématiques des villages, en fait, les fermetures d'écoles, les trains qui passent plus. C'est un peu aussi une nostalgie par rapport à mon enfance. J'ai grandi dans un petit village, hein, les chiens étaient en liberté, on allait chercher le lait chez le paysan du coin. Mes grands-parents étaient également paysans. Donc on traînait avec eux à la ferme, bien sûr. Mes grands-parents, ils n'avaient même pas de tracteur. Mon grand-père, il n'avait pas de tracteur, il avait un cheval de trait. Et voilà, je retranscris dans certaines chansons un peu cette ambiance-là, à la fois du monde rural, parce que je parle beaucoup de la campagne, en fait, parce que c'est mon élément. Hein. Oui, bien et entendu. Et puis aussi de mon enfance, aussi, de ce que j'ai vécu, et puis aussi des valeurs que je veux transmettre à mes propres enfants sur ce monde rural, qui me semble intéressant aussi à défendre. Et voilà, j'essaye de pas trop idéaliser c'est de la nostalgie, mais il n'y a pas d'idéalisation, en fait, de ce monde d'avant, quoi. Je dis pas que c'était mieux avant. Hein. Non, c'est juste une vision, en fait, des états d'âme ou des souvenirs aussi qui me sont revenus quand j'ai écrit certaines chansons et qui parlent de ce passé. Voilà, un peu de nos racines aussi. Oui, tu fais un petit peu état, comme tu l'as dit, de un petit peu, la désertification rurale, on va dire. Ça, c'est le terme très que j'emploie avec des guillemets. Oui, voilà, ouais. Oui, parce que ça se repeuple quand même. Enfin voilà, il y a une nouvelle génération, je trouve, de ruraux ou de néo-ruraux qui apportent aussi beaucoup à la vie des villages. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans les petits villages. Bon, il y a des gens qui font vivre ces villages et qui proposent des choses, notamment culturellement, qui sont intéressantes. Voilà, moi je parle un peu de ce monde. Enfin, je parle du monde que je connais, on va dire. Je parle de... Voilà, je décris un peu toute cette ambiance et toutes ces... Enfin, ce qui se passe, voilà, à la campagne. Je parle beaucoup de la nature aussi. Je parle des dangers, des... du monde moderne, de la technologie qui parfois nous a servi un peu... au lieu de nous servir, enfin, il y a toutes ces thématiques-là qui sont présentes dans mes chansons. Il y a une autre thématique que je ressens un petit peu à travers l'album, c'est un petit peu le passage des saisons et à chaque fois un petit peu la nostalgie de la fin d'une saison. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Oui, on a l'impression que chaque chanson représente ou se déroule dans une saison bien particulière. Bon, il y a le printemps, d'ailleurs une chanson qui s'appelle Printemps, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été. Et toutes ces chansons, en fait, sont bercées par les saisons. Et oui, il y a peut-être un petit côté un peu nostalgique ou un petit côté... on repart sur autre chose, voilà. Voilà, on avance. C'est le temps qui passe. Ouais. C'est le temps qui passe, mais c'est le temps... qu'on espère qu'on n'oubliera pas, et d'ailleurs on oubliera, c'est le titre de ton album, c'est le titre de ton morceau, pardon, de ton album Nos Dimanches, donc on s'écoute ce morceau, si tu veux bien, avec plaisir. Et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. Les oiseaux, on oubliera. On oubliera les ruisseaux, on oubliera. On oubliera les nuages, on oubliera le sable. Les sirènes aux jambes si belles, aux sourires affables. On oubliera les fleurs, on oubliera. On oubliera la douceur des matins de printemps. On oubliera la lenteur des arbres qui s'éveillent. Les roses au parfum d'amour ne peupleront plus notre sommeil. Mmh. nourricière. On oubliera les rires des enfants sautant dans les rivières. On oubliera les poèmes qui naissaient aux aurores. Au retour du soleil, ils nous rendaient plus forts. Qui accompagnait nos dimanches. On oubliera les lutins qui traversaient les routes. On oubliera la neige, on oubliera sans doute. C'était On oubliera, hein, le morceau dans sa quasi-intégralité, mais pour ceux qui veulent l'écouter en entier, rendez-vous le 27 avril, date de la sortie de l'album d'Yvan Marc, qui est l'invité de ce soir. Bah oui, on est toujours avec toi, hein. pour découvrir un petit peu ton album. Et d'ailleurs, dis-moi, ton album s'appelle Nos Dimanches. Pourquoi ce nom-là ? C'est une bonne question. Ça a été pas facile à trouver un titre. Il y a parfois des albums qu'on trouve facilement. Mais celui-là, j'ai hésité longtemps. Et en fait, Nos Dimanches, déjà, c'est une phrase qu'on retrouve justement dans la chanson, qui termine la chanson On oubliera. Mmh. Et je trouvais que aussi ça résumait bien un peu, je trouve que cet album résumait un peu cette ambiance des dimanches, où on est à la fois paisible, tranquille, c'est des moments en général en famille, c'est des moments en général où on se balade, mais c'est des moments aussi où il y a justement c'est un peu cette nostalgie, parce qu'on sent que le lundi va arriver. Oui. Voilà. Et voilà, il y a un peu ces doubles sentiments, en fait, à la fois un sentiment de repos, de plénitude, et aussi une certaine inquiétude ou une certaine le stress qui commence à venir, parce que le lendemain, ben, on va reprendre un peu la routine, quoi. Oui, donc c'est la fin de la période de calme. Voilà, c'est un peu ça. Donc je trouvais, Nos Dimanches, c'était entre les deux, à la fois un sentiment de bien-être et à la fois une certaine appréhension aussi, ou... Oui, parce qu'on oubliera tout ça, parce qu'on sera pris dans, comment dire, le train-train quotidien. Et oui, ouais. La vie au travail, oui, c'est un petit peu ce que ça représente, et je viens tout juste d'en prendre conscience. Vu que on redécouvre, je pense, on redécouvre sans arrêt tes morceaux, on les réécoute de différentes façons, du moins c'est mon cas. C'est quand même, si je peux me permettre, hein, c'est bien écrit quand même, chaque texte est très clair et un thème très bien défini. Et c'est vraiment, oui, tu l'as dit, c'est tous dans cet esprit très, très nature, très zen, très, très, très posé, très agréable. Hein. On pourrait se poser, je ne sais pas, dans un champ de blé avec ton album. On serait bien, on serait pile dans le thème. Ouais, on pourrait même faire des promenades. Voilà. Moi, quand j'écoutais l'album, quand on a fini de l'enregistrer, il fallait l'écouter pour voir si ça allait au niveau du mix, tout ça. Donc, je prenais mon... je prenais mon téléphone et puis je partais dans le marché et j'écoutais en même temps le disque. Ça allait très bien, ça faisait bien posé, bien. J'étais dans un cadre agréable, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est ça aussi la couverture, hein, vu qu'on va un petit peu parler du visuel. La couverture de ton album, c'est toi, mais enfin, on voit très flou. Oui. Et puis, t'es dans une forêt, je crois. Ouais, tout à fait. On voit vraiment, oui, tout. Bah, en fait, on a l'impression que tu nous emmènes par la main à travers tes promenades dans tes chansons. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu... voilà, cet album a été écrit dans cette forêt qui s'appelle le Mégale, qui est en Haute-Loire. Et c'est vrai que moi, c'est une petite ferme qui était dans la forêt et où il n'y a pas de... Enfin, où on n'a pas de route. Hein, c'est vraiment perdu. On est dans la forêt, il y a des pierres, des champs de pierres. Et voilà, j'avais envie de retranscrire ça dans cette ambiance-là dans ce disque. Comme je l'avais fait dans le disque précédent également. Mais celui-là, il va encore plus loin, je trouve, dans ces émotions que peut faire ressortir la nature, en fait. Voilà. Mais il est aussi beaucoup question d'amour dans mes textes. Voilà, parce qu'il y a la nature, mais il y a aussi l'amour, il y a aussi beaucoup de femmes, de filles qui sont présentes. Oui, dans d'autres titres, déjà, voilà. Je crois, dans « Ça dépendra ». Oui, ça dépendra, ouais. Déjà, puis te revoir, il me semble, ça c'est les deux, ouais. C'est vrai, les plus frappants où il y a vraiment la présence d'une femme. Ouais, ouais, ouais. Oui, là, c'est vraiment... il y a toujours, en toile de fond, un peu. Ça. Dans Pluie d'été aussi, il y a un peu ça aussi. C'est pas un franc, mais il y a toujours la rencontre, l'amour, le... Et puis la nature, en toile de fond, ou très présente, ça dépend des titres. Ouais. Très présent, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui fait intégralement partie de ta vie, de ton quotidien. Le rapport à la nature, parlons-en. Bon, tu as dit que tu vas en forêt, tu t'inspires un petit peu pour tes chansons, mais tu en fais un petit peu ton travail. Il me semble que tu travailles dans un lycée agricole. Oui, je suis enseignant en lycée agricole, ouais. Donc moi, je suis prof d'éducation socio-culturelle, donc je suis pas à plein temps, hein, je me partage entre mon métier de prof et mon métier de chanteur. Mais en fait, ouais, dans mon boulot, moi je fais beaucoup de... Je travaille avec des étudiants en BTS, et je fais beaucoup d'événementiels liés à la musique, justement. Donc je fais beaucoup d'ateliers de création de chansons. J'organise aussi un festival avec mes étudiants qui s'appelle le Chant des Sucres, qui dure 3 semaines et où on fait une quinzaine de concerts. Voilà, donc je reste quand même, malgré que ce soit pas le même métier, je reste quand même dans la musique et je fais partager un peu ma passion à mes étudiants. Donc on est amené souvent à travailler sur cet événementiel musical et c'est plutôt agréable pour moi et pour les étudiants aussi. Voilà, on passe de bons moments, en fait. D'ailleurs, tes élèves savent, j'imagine, que tu fais de la musique. Ouais, il y en a qui... Enfin, ils le savent, ouais. Bon, je sais pas ce que je mets sur le tapis, mais ils vont se renseigner, en général. Voilà. Oui, après tout, les élèves sont très malins, ça je pense que tout le monde le sait. Et puis bon, après, des profs musiciens ou des profs qui ont une autre vie à côté du lycée, il y en a beaucoup, hein. Tout à fait. Même c'est le cas de tout le monde. Après tout, tout le monde n'est que... Enfin, nous ne sommes que des êtres humains qui vivons sur la même planète. Hein, et ouais. Qui vivons les mêmes saisons, ces saisons que tu nous décris à travers ton album, ces saisons et un petit peu, c'est... Oui, cette notion de dimanche, un petit peu... Ça me fait un peu penser à un dimanche chez papy-mamie, comme quand on était enfant à la campagne. Enfin, moi, c'est vraiment l'image que ça m'évoque. Ouais, mais c'est ça, mais il y a des chansons qui sont vraiment inspirées de ces moments-là, quoi. Ou des retrouvailles en famille, et ouais. Tu vois juste, c'est bien. et tu as une chanson en particulier dans ton album qui parle vraiment de la famille De la famille, tout un petit peu, parce que Sous les gants, c'est un peu... Il y a un peu ce côté, cet aspect sur l'enfance. Le château, pareil, c'est c'est un peu ces moments en famille, enfin de mon enfance, de mon adolescence, voilà. Et puis bien sûr, on oubliera la fin. Enfin, c'est distillé en fait un peu à droite à gauche, quoi. Dans mes chansons, c'est pareil, c'est comme la nature, c'est en toile de fond. C'est abordé de manière assez discrète, on va dire. Dis-moi, à propos de ton morceau Sous les gants dont tu as parlé juste avant, il n'y a pas un projet qui est en route en ce moment ? Eh bien si, on va sortir un clip en fin de semaine, normalement. Voilà, on l'a tourné il n'y a pas longtemps. Donc c'est un clip en fait qui a été tourné chez moi. Enfin, voilà, chez moi, oui, on peut dire ça, dans une petite forêt et dans une vieille grange en fait qui est juste à côté de ma maison. Et voilà, et donc ça a été tourné avec mon fils. Déjà le clip de l'album d'avant, on avait fait une chanson qui s'appelle J'apprends, où mon fils était la star un peu du clip, puisqu'on voyait que lui. Oui. C'est même lui qui chantait, qui faisait semblant de chanter sur les refrains. Donc voilà, on a voulu garder un peu cet esprit artisan, parce que moi je me considère comme un chanteur artisan. Je fais un peu tout. Je fais un peu tout chez moi, donc je fais les chansons, mais après je gère un peu cette petite entreprise entre guillemets, et voilà, donc je gère les dates, je gère la sortie de l'album, et pareil pour le clip, ben j'ai fait appel à une boîte et ensemble une boîte de prod, et ensemble on a construit un peu ce clip, et qui va sortir fin de semaine, ouais. Peut-être que nos éditeurs ont peut-être envie de situer une musique sur le clip qu'ils pourront découvrir fin de semaine. Ah bah sur, oui. C'est sur ta chaîne YouTube, c'est ça ? Alors oui, elle est sur la chaîne YouTube, la chanson, ouais. Ouais. Donc chaîne YouTube Yvan Marc, j'imagine ? Ouais, tout à fait. Et là, il y a plusieurs clips, vous verrez, il y a une chanson qui s'appelle J'apprends, qui est issue de l'album précédent et qui parle un peu de la terre, de la paysannerie et des valeurs qu'on peut transmettre aussi à ses enfants. Et puis il y a d'autres clips, il y a Nos Vies d'ours. Et on oubliera le premier single, là, celui qu'on a pu écouter tout à l'heure. On a fait un petit clip également. Voilà. Et puis bientôt Sous les gants. Ben, on va peut-être s'écouter Sous les gants pour le découvrir. Ça donnera peut-être à nos auditeurs envie d'aller regarder le clip qui sortira en fin de semaine. Donc en attendant, c'est Sous les gants de l'album Nos Dimanches, hein, ton album qui va sortir. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige et quand l'hiver nous aura oubliés, j'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront plus rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées, des enfants revenant les fesses se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier les matins blancs que nous avons laissés filer. Je garde de la neige et mes lèvres gercées. Je garde de la neige le souvenir de nos peaux, tendu par les vents qui traversaient nos manteaux. Je garde de la neige pour la bulle qui balait le plateau, pour pour ne pas oublier le courage des chiens de traîneau. C'était Sous les gants d'Yvan Marc de l'album Nos Dimanches. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous pouvez, comme d'habitude, réagir à l'émission en nous envoyant un petit message sur Facebook. Et non, pas de téléphone ce soir, parce que l'invité de ce soir est au téléphone avec nous, n'est-ce pas Yvan? Eh oui. Donc, je confirme. donc ton morceau Sous les gants, d'ailleurs c'est le premier morceau de l'album, hein. On oubliera c'était le dernier, on s'est écouté un petit peu, ouais. L'introduction et la conclusion de ton album, et ton morceau Sous les gants, tu as fait un clip qui va sortir fin de cette semaine il me semble sur ta chaîne YouTube. Toujours, tu as dit, dans un aspect très, très artisan, très... Alors, j'ai pas envie de dire amateur, mais vraiment dans un esprit de simplicité. Oui, pense, c'est ça. De simplicité. Mais la simplicité, justement, je trouve que c'est... Des fois, c'est pas si évident que ça de garder une certaine simplicité. Ça demande d'épurer aussi beaucoup de choses. Et c'est pas forcément si simple que ça, d'épurer, d'enlever des choses. On a plutôt envie d'en rajouter, en fait. Mais souvent c'est quand c'est plus simple, quand c'est que les choses peuvent peut-être toucher un peu plus. Donc c'est ce qu'on a fait aussi musicalement sur cet album, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aller au plus naturel, on va dire, sans trop de fioritures, et en étant il fallait que la voix, musicalement, que la voix et les mots soient portés par la musique et donc ça a été un gros travail, notamment avec Pascal qui a fait la réalisation de l'album avec moi. L'idée, on était là, surtout lui d'ailleurs, à enlever des choses plutôt qu'en rajouter, c'est-à-dire aller à l'efficacité, un truc qui tourne, qui soit naturel et qui accroche, voilà. Qui accroche dès la première écoute, mais voilà, qui soit le reflet de ce qu'on est, en fait, dans la vie de tous les jours. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu refléter dans ton morceau Sous les gants? Sous les gants, c'est à la fois un peu une chanson qui parle de l'enfance, c'est-à-dire que je me rappelle très bien quand j'étais gosse, les hivers où il y avait beaucoup de neige, et parfois il y avait des coupures de courant et on n'allait pas à l'école. Il y avait un peu cette ambiance-là. Et ensuite, il y a aussi... ça parle un peu du réchauffement climatique, on va dire. Et mis à part cet hiver, on a eu beaucoup de neige, mais nous, on habite dans une région où, en général, il y a beaucoup de neige. Et du coup, on se rend compte que en une dizaine d'années, ça a évolué. Les hivers étaient très courts, plus beaucoup de neige. Et j'ai voulu faire une chanson aussi pour ça, ouais, pour parler du réchauffement climatique, on va dire. C'est un peu ça. Parce que il me semble que le rapport à la nature, c'est quelque chose de très important pour toi. Ça fait partie intégrante de toi, comme tu l'as dit, hein, quand tu écoutes tes albums avant la publication, tu vas quand même te promener en forêt. Ouais. C'est un peu une sorte de rituel. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien m'isoler dans la campagne, donc j'ai pas trop de problèmes puisque j'habite à la campagne, mais j'aime bien, quand je compose, être bercé par cette ambiance-là. Donc, notamment, ça fait deux albums où je suis un peu dans cet esprit-là. Après, les albums d'avant n'étaient pas du tout dans la même optique. Là, c'était un peu une thématique que je m'étais fixée et une envie de parler de choses à la fois belles et qu'on doit protéger, dont on doit prendre soin, donc c'est la terre, quoi, en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me concerne, enfin je me sens concerné par tout ce qui est tous les problèmes d'écologie, voilà, sans être non plus engagé de manière très très extrême, mais voilà, c'est des choses que je pense que ça va être quand même un grand problème de l'humanité dans quelques temps, et ça l'est déjà. Donc je pense qu'il est temps de se réveiller peut-être. Et moi, par mes chansons, ben, je contribue à véhiculer ce message et à parler de ça. Voilà. Un petit peu à mon niveau, aussi, quoi. Oui, tu ravives un peu cet attrait à la nature. Je pense que tu sors un petit peu l'homme des villes pour lui faire rencontrer, on va dire, un peu l'homme des champs. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Qui retrouve un petit peu ses racines, parce qu'après tout, c'est un peu de là où nous venons tous, hein, la nature. C'est quelque chose d'important, et je pense que c'est quelque chose de très inspirant pour tes textes, c'est bien ça? Oui, oui, bah, c'est moi, c'est, bah, c'est ce que, c'est ce dont j'ai envie de parler, ce dont je sais parler aussi. Voilà, moi, je pourrais pas parler de la ville. Avant, je parlais de la ville, mais plus pour la critiquer. Moi, maintenant, je préfère parler de la campagne pour la valoriser. Et puis, pour parler du monde de la campagne, pour dire, voilà, qu'il s'y passe des choses, que on peut ressentir des émotions et que c'est, voilà, c'est important de la préserver et d'y faire attention. Et puis, voilà, moi, j'ai... Puis, je me pose pas forcément de questions tout le temps sur ce que j'écris. Et en fait, quand je suis dans une... Quand je suis en train d'écrire une chanson, ça vient, voilà. Alors, et c'est vrai que j'ai plus de facilité à écrire quand je suis dans un cadre naturel, dans la nature. Et c'est souvent l'été que je compose, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, dis-moi, est-ce qu'il y a un autre musicien ou un artiste qui t'inspire particulièrement ? Il y en a plusieurs. Il y en a pas mal, mais du coup, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Dominica, que j'écoute régulièrement. Et en ce moment, il vient de sortir un nouvel album, et du coup, je suis en train de l'écouter en boucle. Oui. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres artistes, notamment Barbara Carlotti, Raphaël Lanader, que j'aime bien, Lisa Portelli. Enfin bon, je pourrais en citer pas mal. Mais voilà, je voudrais parler de... Ouais, ça me plairait bien qu'on écoute un titre de Dominica, par exemple. C'est sûr. Il me semble que tu aimes bien le titre Au revoir mon amour, ça tombe bien, ouais. Ça parle d'amour. Eh bien écoute, on va s'écouter ce morceau pour te faire plaisir et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. À tout de suite. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Yali, Yali. À ne pas me voir, où es-tu? prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard, mon amour. Peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard, mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard, mon amour. Nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être, mon amour. Mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Et c'était Au revoir mon amour, un titre de Dominique A, un titre qui te plaît beaucoup, vu qu'en ce moment tu écoutes son nouvel album, hein, un artiste que tu admires particulièrement. Cette chanson, elle représente quoi pour toi? Cette chanson, ben, c'est une très très belle chanson d'amour, hein, de toute manière, et ça représente... C'est surtout Dominica en fait qui représente beaucoup, parce que c'est un chanteur qui à chaque fois qu'il sort un disque m'accompagne, voilà, à la fois dans ma voiture, à la fois chez moi, voilà, c'est un chanteur que j'écoute beaucoup, donc qui est un peu un modèle, mais je pense pour beaucoup d'artistes, voilà, avec des textes magnifiques et des musiques également, voilà, il y a chez lui une profondeur. Je pense, pour moi, c'est un des grands auteurs de notre génération, quoi. Ça, c'est clair. Et grand chanteur. Ouais. Et puis sur scène, c'est vraiment génial aussi. En parlant de scène... Allô ? Arrête pas de téléphoner. Là. C'est ce qu'on, oui. Ça se comprend, hein, c'est les aléas du direct. Ouais. En parlant de scène, hein, tu as prévu des concerts pour une tournée promotionnelle ou quelque chose comme ça prochainement ? Oui, on va commencer la tournée. Là, je rentre en résidence la semaine prochaine. Donc, on est au théâtre à Montbrison. On va faire une semaine de résidence. Et puis ensuite, on va commencer la tournée au mois de mai. Voilà. Donc avec déjà on a une vingtaine de dates de prévues, mai, juin, un peu juillet aussi, voilà, et puis on continue. Hein. D'habitude on fait à peu près une 100-120 dates quand on sort un album. On fait ça, on tourne pendant un an et demi, et ça nous occupe bien, puis après une petite pause, puis je travaille sur un nouvel album. Voilà, donc j'ai un petit rythme de croisière qui me va bien, et voilà. Parce que tu dis on, tu n'es au final pas tout seul, ou en tout cas pas tout seul sur scène? Non, je suis pas tout seul sur scène, non. Donc ça dépend des tournées. Là, pour l'album, pour Novi d'Ours, on était à 4 sur scène. Mais bon, on a fait aussi beaucoup de dates en duo, justement, ça nous permettait d'aller jouer dans des petits lieux, d'aller jouer dans des petits villages ou dans des granges culturelles, des fermes, des librairies associatives aussi, des médiathèques, voilà. Donc moi j'aime bien le format très intimiste en fait. Bon, après ça m'empêche pas de faire des scènes beaucoup plus grosses et des théâtres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup tourner dans des petits lieux et aller dans des petits villages, découvrir un peu les villages de France, voilà. Donc voilà, je suis quelqu'un de scène en fait, j'aime vraiment beaucoup la scène, et moi quand je sens un disque, c'est vraiment dans cette optique de tourner le maximum. Oui, pour rencontrer des gens, pour découvrir d'autres petits écrins de campagne, j'imagine. Voilà, et puis bon après j'arrive à faire des festivals, des gros festivals. On a eu des périodes où ça avait bien marché, on tournait notamment quand on tournait avec les Mickey 3D, on faisait des grosses salles, donc là c'était autre chose. Mais petit à petit, moi justement, j'ai voulu développer un réseau à côté de ces scènes conventionnelles, où je vais également, mais voilà, où la rencontre, où il n'y a pas de scène, où on vient avec notre petite sono, on s'installe, des fois c'est tout petit, c'est comme mon salon, et on fait un concert, et je trouve ça super agréable, cette proximité aussi avec les gens, et ça nous permet ouais, de rencontrer des gens et de tisser des liens. Et régulièrement, on retourne dans ces lieux et on est très content de pouvoir voilà, avoir des gens fidèles qui nous accueillent dès qu'on sort un nouvel album. D'ailleurs, c'est un peu la question qui tue. Est-ce que tu comptes passer un de ces jours dans les Vosges? Ben, ouais, c'est sûr. Oui, pourquoi pas. Ça serait avec plaisir. Ça serait avec plaisir. Je ne sais pas si j'ai des dates prévues vers chez vous. Mais... Ouais, ben, je vais regarder s'il y a une possibilité. Mais ouais, ça serait avec plaisir. Ah, je pense que si des auditeurs ont apprécié ce que tu as fait, je pense qu'ils seraient contents de te rencontrer. En tout cas, oui, je pense que tu pourrais aussi te plaire dans les Vosges. Hein, ça pourrait peut-être t'inspirer de jolies chansons. Bah ouais, ouais, carrément. L'idée est lancée en tout cas. Ouais. J'ai peut-être envie qu'on se découvre un autre morceau. Alors j'hésite un petit peu, je te laisse le choix entre un morceau de ton album Nos Dimanches ou ouais. d'un autre album de toi, encore une fois. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Oh ben restons dans Nos Dimanches, du coup. Ça peut être bien, non? Si, pourquoi pas. Allez. On n'a qu'à s'écouter le morceau « Ça dépendra », vu que ouais. ça parle d'amour. On a un petit peu parlé d'amour, on reste un petit peu dans la même lignée que « Au revoir mon amour ». On s'écoute cette chanson très agréable et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Ça dépendra du jour, du moment ou de l'heure. Ça dépendra si l'amour fait encore vibrer nos cœurs. Ça dépendra des prés ou du regard des fleurs. Si elles veulent encore se laisser cueillir sans avoir peur. Ça dépendra du temps, de la colère des vents. S'il ne crie pas trop fort, je viendrai t'attendre alors. Ça dépendra de l'air, de la couleur de l'eau. Ça dépendra si la terre accepte encore nos cadeaux. Ça dépendra de toi. Ça dépendra de moi. Promenade au fond des bois, des chemins qu'on empruntera. Ça dépendra des mots, des mélodies, des airs, de l'arrivée des oiseaux du ciel et de l'hiver. Ça dépendra des fées, de la lumière des blés, de la douceur des rêves des fougères qui se lèvent. Ça dépendra de toi, ça dépendra de moi, de nos promenades au fond des bois, des chemins. C'était le morceau « Ça dépendra », toujours de l'album « Nos dimanches » d'Yvan Marc qui est avec nous à l'antenne. Et vous pouvez toujours, hein, comme d'habitude, et pour les 6 dernières minutes, même 5 dernières minutes de l'émission, réagir en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook. Ça fait toujours plaisir. Yvan Marc, dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière cette chanson? Là, c'était plus l'envie d'avoir des images. Et voilà, c'est des photographies en fait de nature et de voilà qui me traversaient l'esprit. Après, trouver un sens réel à cette chanson, il n'y en a pas vraiment, mais ça mêle à la fois l'amour, la nature, il y a un sentiment de bien-être quand même, je trouve, dans cette chanson. Voilà, et puis ça dépend aussi des choix qu'on fait et de ce qui nous entoure et des rencontres. Voilà. C'était un peu une impression que je voulais donner par des images. On dirait un petit peu, comme elle parle d'amour, un petit peu des photographies de couple, un petit peu des petits moments, des petits souvenirs d'amour au sein de la nature. Du moins, moi, c'est ça que ça m'évoque. Ouais, tout à fait. C'est ça, des moments, quoi, des petits moments avec des images qui viennent et des sensations. Voilà. C'est tout à fait ça. Toutes ces choses et toutes les émotions en fait que tu veux véhiculer c'est l'histoire de Ça dépendra, mais tu as d'autres chansons qui parlent d'amour. Oh, je sais pas si on aura le temps de s'en écouter d'autres. L'album sort bientôt, donc ça va aller. Oui, c'est vrai. Pour les petits curieux, c'est quand même le 27 avril. On pourra te trouver, je pense, un petit peu partout, en magasin ou sur Internet, ou même en écoute, justement, sur Internet. Ouais. Il me semble que ce sera un album plutôt accessible, ou du moins dans le thème. Hein, il est vraiment très accessible, encore une fois, très, très printanier, très nostalgique, très nature. Oui. C'est un album de chansons françaises avec des textes. C'est quand même le texte qui est important et après il y a des musiques assez douces, des ballades. C'est un travail. En effet, on l'a fait, on a enregistré ça en studio, notamment donc avec Pascal, et puis j'avais plusieurs musiciens aussi. Il y a Loris qui fait la batterie. On avait Rémi qui faisait des guitares, Mathieu qui faisait accordéon, banjo. Voilà, donc on était un groupe de musiciens. Hein. C'est des musiciens qui travaillent avec moi régulièrement. Et on a construit ce petit album ensemble. Et voilà, il y a 10 titres. Et maintenant, il va sortir. Et c'est cool. Oui. Je suis bien content parce que on a commencé. Moi, j'ai commencé à écrire en 2016. Donc j'ai commencé la première écriture à l'été 2016. Oui. Donc ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine quand même. Voilà, ouais. Et donc mon album Novi d'Ours, l'album précédent, est sorti en janvier 2016. Et moi j'ai commencé à écrire. Bon, j'étais en tournée et en fait, en général, quand je suis en tournée, je joue tellement mes chansons que j'ai envie d'en écrire des nouvelles. En fait, du coup, ça me pousse. Le fait d'être en tournée, ça me pousse à écrire de nouvelles chansons. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je commence assez tôt l'écriture. Bon, là, j'ai pas recommencé à écrire pour l'instant parce que je suis plus dans la répétition et le travail de la scène. Mais je pense que cet été, je vais me remettre à écrire des chansons. Ah bien. On a... C'est souvent l'été que ça vient. On aura hâte de découvrir le prochain album, mais en attendant, hein, c'est Yvan Marc pour l'album Nos Dimanches qui sort le 27 avril, donc en fin de ce mois, hein, c'est bientôt, dans 17 jours très exactement. Pour les petits curieux, hein. Et avant que l'émission ne s'achève, parce que l'heure touche déjà à sa fin, je vais faire, avant qu'on se quitte, Yvan, le programme de la soirée. À 20h, on retrouve Michel pour La Parole est à vous. Puis à 22h, on a Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. Et de minuit à 1h, c'est la rediffusion de La Bulle de l'IA qui a reçu ce midi Vitel la liature. Et la rediffusion de mon émission, c'est demain matin de 7h à 8h, suivi de la chronique d'Amadou. Demain, de 6h à 7h, on aura Maxime de la mission locale pour parler d'un événement organisé pour les jeunes et par les jeunes, une exposition artistique intitulée Le Brame des Arts. C'était Yvan Marc avec nous à l'antenne. Hein. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'est un plaisir. Et je le répète encore une fois, ton album qui sort le 27 avril pour les petits curieux. Cette petite parenthèse nature, cette parenthèse un petit peu sur la nostalgie de l'enfance et l'air frais de la campagne qui vient un petit peu nous entourer, nous envelopper littéralement. J'espère qu'il y aura un bon accueil, mais je pense que ce sera déjà le cas, Yvan. Oui, il y a des... Ouais, ça va. l'instant, je me plains pas trop, j'espère que ça va continuer. Et on espère peut-être avoir de tes nouvelles bientôt, ouais. Je pense, concernant les concerts, les tournées. Voilà, donc en tout cas, c'était Yvan Marc. Et pour d'autres aventures, hein, ou pour d'autres nouveaux personnages, rendez-vous demain même heure sur Radio Guémouzo. Et en attendant, bonne soirée à tous. Au revoir.